l'entrée, nos relations. Dis pas, on va l'entrée, nos relations. S'il pas cabaye des noms, la poêle pas mexicain. S'il pas poêle pas Mexique, la poêle pas Nicaragua. S'il pas poêle pas Mexique, la poêle pas Nicaragua. Beaucoup de fêtes, t'as pas d'aplats. Beaucoup de fêtes, t'as pas d'aplats. Ménage moins team, l'alcaï besti. Mais besti, on s'en m'a même. Ouais, des caca, monsieur. Ouais, des caca, monsieur. Téléphone blondé a sonné. Son l'autre garçon, s'il bébé. Duel là!